abaisse son doigt sur la ville endormie, que ton cœur se dévoile. Il ne reste qu'une étoile au milieu de la nuit. Cette étoile, c'est toi. Sur un bon croissant de lune, je t'invite au paradis. Bercé par les anges purs, je t'emmène dans ma nuit. Je suis amoureux d'elle, amoureux d'elle, depuis des temps. Mon cœur ne bat que pour elle, ne bat que pour elle, si elle m'entend. Je veux crier que je l'aime, bousculer les océans, arrêter les tempêtes. L'étoile s'est éteinte, je ne vois que ton ombre. Et sur cette bouche, je dépose mon empreinte devant les yeux du monde. Car cette femme étonnante, aux mains douces, aux yeux si clairs, cette mère de mon enfant a percé tous mes mystères. Je suis amoureux d'elle, amoureux d'elle, depuis des temps. Mon cœur ne bat que pour elle, ne bat que pour elle, si elle m'entend. Je veux crier que je l'aime, bousculer les océans, arrêter les tombes.